brillant. Mais monsieur le président, vous les tuez de pauvres innocents. Mais monsieur le président, pillez les pauvres pour faire de l'argent. Mais monsieur le président, devenir une ordure sans argument. Mais monsieur le président, messieurs les présidents, j'attends votre écartèlement. C'est un homme nonchalant, un mec gonflant, malfaisant. C'est un homme nonchalant, on ferait mieux d'aller de l'avant. Décevant, accablant, mon cul vous êtes bienveillant. Un putain de cadavre ambulant, c'est vraiment époustouflant. Décevant, accablant, mon cul vous êtes bienveillant. Un putain de cadavre ambulant, c'est vraiment époustouflant. Vous voulez dénigrer les gens, mais monsieur le président, ne plus avoir d'antécédents. Mais monsieur le président, vous voulez réussir financièrement. Mais monsieur le président, tu veux t'en prendre plein ton fondement. Appelle monsieur le président, messieurs les présidents, j'attends votre écartèlement. Un homme nonchalant, un mec gonflant, malfaisant. C'est un homme nonchalant, on ferait mieux d'aller de l'avant. Décevant, accablant, mon cul vous êtes bienveillant. Un putain de cadavre ambulant, c'est vraiment époustouflant. Décevant,